Chapitre 5e. Les promenades, le tour de l'inspection, merveilleux jardin botanique, jardin de la ville. La promenade favorite des Saïgonais est le célèbre tour de l'inspection. Ce tour se fait en voiture le soir de 5 à 6. La route, fort belle, fait un grand coup au nord de Saïgon et s'engage sur le territoire de l'arrondissement ou inspection de Giadin, qui lui a imposé son parrainage. Un large chemin, soigneusement entretenu, fuit, tantôt ombragé de hauts arbres et bordé de haies vives en fleurs, tantôt dégagé et droit à travers de grasses rizières. L'air est plus vif qu'en ville, et les moussons, bien mollis cependant, balayent un peu de cette humidité toujours renaissante du sol. Sur une partie de la promenade, les voitures marchent au pas. Cet endroit choisi varie au gré du caprice de la mode. L'allée des acacias, le cède autour des lacs. Quelques mois passent et le bon ton change l'itinéraire. On échange des saluts et des sourires. On s'inquiète des figures nouvelles. C'est là qu'on vient chercher quelques sujets de conversation pour le dîner du soir et un peu d'appétit. Le retour s'effectue par le jardin botanique bien justement célèbre. En effet, sur les bords d'un large arboyau moins vaseux que ne sont ses pareils, est dessiné le parc le plus riant qui se puisse imaginer. De larges allées sont ombragées par les puissantes essences tropicales, étiquetées et classées. D'autres voies sont bordées par la plus belle collection d'arbres à palmes. Les pelouses, épaisses et très vertes, sont tachetées de fleurs grasses éclatantes de couleurs et trop fortement parfumées. Pour ceux que les plus beaux types de la flore d'Indochine ne suffisent point à charmer, on a réuni dans ce magnifique décor la faune complète du pays. Tigres, panthères, éléphants, ours, serpents de mille sortes se partagent les élégants pavillons qui émaillent ce jardin. La volière a surtout pris les soins des heureux architectes. Des variétés infinies d'oiseaux très grands ou minuscules sont emprisonnées dans de vastes chalets grillagés, enfouis sous la verdure et rafraîchis par un petit versail d'eau jaillissante. Les pélicans, les ibis et toutes les espèces de palmipèdes susceptibles d'apprivoisement nagent en liberté dans un délicieux lac dessiné au milieu du jardin des plantes. Toutes ces merveilles sont fort appréciées des Saïgonais, et le soir, ceux que le fameux tour de l'inspection tente moins, viennent contempler cette belle nature extrême-orientale, reconstituée si savamment, dans le plus beau parc qu'il soit possible d'admirer. Moins charmeur que le parc botanique et zoologique, le jardin de la ville offre cependant une fort agréable promenade pour qui aime l'espace et l'ombrage. Dessiné sur l'emplacement d'une antique forêt, dont on a respecté les vieux hôtes, ce jardin enferme des arbres prodigieux. Chaque dimanche, le parc prend son air de fête. La musique de l'infanterie de marine y attire le tout Saïgon. Les fidèles du tour de l'inspection désertent leur promenade favorite et à la chute du soleil, charrettes, landaux et calèches affluent dans la superbe allée qui enveloppe le kiosque des musiciens. Sur trois ou quatre rangs, les voitures se suivent ou se croisent au pas. Une seconde promenade tout autour du pavillon est réservée aux piétons. Il est de bon genre d'abandonner quelque peu sa voiture et de venir piétiner dans ce cercle où règne une certaine intimité. On se réunit par groupe, on cause énormément. Les gentilles saïgonaises excellent au potin. Et puis, n'est-il pas fort intéressant de savoir par le piquant menu la dernière histoire dont on avait entendu parler? Et se moquer du monde est tout l'art d'en jouir. Les blanches quenottes s'aiguisent à ce jeu, parfois mordent un peu fort, et là encore, n'y a-t-il pas un certain charme? Dans nos colonies, la moyenne intellectuelle est fort élevée, plus élevée que communément on le suppose, et les racontars inévitables, voire les médisances, empruntent au milieu une saveur particulière. Ce n'est plus ici le banal cancan de province. Le tour est plus fin, plus drôle, que sais-je. Les meilleurs esprits ne manquent guère de se joindre à cette délicate partie, et dame, si la distraction est toujours méchante, elle a la mauvaise excuse d'être souvent spirituelle.